moi pas penser ça t'arriver. Pour qui vous laissez moi y'a de la tristesse. Que moi fait que fait si porter. Un petit bisou.